On va parler avec notre ami Pascal Jobin de la NBA. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, si d'abord, j'aimerais souhaiter mes sympathies au nom de des auditeurs de DonnerDuSport.com, au point des amateurs de basketball également, parce que je sais que tu as eu l'occasion de perdre ton père. Donc, pas l'occasion, c'est pas une occasion, là, mais tu as eu la douleur de perdre ton père. Donc, mes sympathies au nom de tous les auditeurs de DonnerDuSport.com et également au nom également des fans de basket. Merci beaucoup, ça passe. Pascal, on va parler d'abord de LeBron James. J'écoute beaucoup ESPN de Saint-Cy aux États-Unis. Puis ESPN, ils font plusieurs reportages sur LeBron. Est-ce que LeBron commence à être critiqué, hein? Puis pour moi, l'histoire de d'Anthony Davis, la chimie était pas mal moins collée, hein? Ben, premièrement, dans le temps des échanges, je pense que c'est dans tous les sports, Danny. Les joueurs, dépendamment qui, là, tu as toujours les grosses vedettes qui s'inquiètent moins, là. Mais en général, tout le monde, on sait jamais, c'est une période où les équipes cherchent soit à s'améliorer, soit ils connaissent pas la saison qu'ils veulent avoir et à se débarrasser de quelqu'un. Pour venir à Anthony Davis, il reste 2 années de contrat. Lui, il annonce. Il faut mentionner à tout le monde que son nouvel agent, c'est l'agent de LeBron James. OK. Et il a pas annoncé qu'il voulait être échangé. Il a plutôt annoncé qu'il ne voulait pas re-signer avec les Pelicans. Un peu comme Paul George à Indiana, lorsqu'Indiana l'avait échangé à Oklahoma City. OK. Donc, lui, il aurait aimé se faire échanger. Bon, tout le monde sait que les Lakers étaient son choix privilégié. Mais pendant la période des échanges, ben tout le monde parle des spéculations. Et là, ce qui s'est passé, c'est que à faire une histoire longue courte, presque tous les joueurs des Lakers, à part LeBron James, ont été offerts pour Anthony Davis. Fait que ça a créé une situation peut-être négative, mais moi, j'associe pas la mauvaise saison des Lakers à cette situation-là, parce que les deux, Lonzo Ball était blessé premièrement et blessé encore. Brandon Ingram et Kyle Kuzma, les 10 matchs qui ont suivi cette période-là, ils ont eu des meilleures statistiques pendant ces 10 matchs-là qu'ils avaient avant qu'on parle de l'échange. Okay. Fait, Danny, c'est très simple. Puis je suis comme toi, on écoute les analystes puis les spécialistes qui parlent, mais c'est très simple. Puis j'entends pas beaucoup de gens parler. LeBron James a manqué 20 matchs. Lorsqu'il s'est blessé à Noël, dans un match où il dominait avec les Lakers, les Warriors, à la troisième période, lorsqu'il a quitté le terrain, donc il n'a pas fini le match, Golden State n'est jamais revenu, Los Angeles a connu un match, Rondo a connu un match. En passant, dans ce match-là, on n'a pas seulement perdu LeBron James, Rondo s'est blessé à la main, il a même été opéré après. Ouais. Je m'excuse, là, Danny, là, mais le 25 décembre, les Lakers ont battu les Warriors. Ils étaient quatrièmes dans l'Ouest. Okay. Et là, en ce moment, tout le monde dit « Ah, LeBron, c'est pas comment c'était pour être difficile. » Il a manqué 20 matchs. Rondo a manqué une quinzaine de matchs. Lonzo Ball est blessé depuis Noël. Et je veux dire, j'essaie pas de trouver des défaites, mais c'est pas juste... N'importe quelle équipe, tu peux pas passer à travers perdre ton meilleur joueur ou perdre certains joueurs pendant une longue période. On parle pas de un ou deux matchs, Danny. Ouais. Lorsque LeBron a quitté les Lakers le 25 décembre, ils étaient quatrièmes dans l'Ouest. Lorsqu'il est revenu, ils étaient neuvième ou dixième. Et là, oui, ça a pas. Puis tu sais, mais il reste que les 10 derniers matchs. Est-ce qu'il est revenu à 100%, Danny? Est-ce qu'il est... Comprends-tu? Ouais, mais la reste... chimie était finie. Ouais. Toute l'histoire de l'échange, ça n'a pas aidé. Mais c'est quand même. LeBron, dans les 16 ans qu'il est dans la NBA, n'a jamais manqué autant de matchs pour une blessure. Ouais. J'aime mieux entendre des gens dire peut-être que à 34 ans, il est un petit peu pis. C'est pas une question de 34 ans au niveau de millage qu'il y a sur son corps. Écoute, les 9 finales NBA, 8 consécutives, c'est au-dessus de 120 matchs par année sur 82, là. Lui, il joue, excuse-moi, une centaine de matchs de plus que 82 matchs. Il joue toujours plus de matchs à chaque année. Il y a presque une saison de plus de séries éliminatoires. Tu comprends ce que je veux dire, Danny? Fait que, les gens sont... Moi, là, personnellement, je suis un fan de LeBron James. Je suis aussi un fan de la carrière de certains athlètes. Tu sais, est-ce que Carey Price est un bon gardien de but ou pas un bon gardien de but, Danny? C'est un bon gardien de but pour le moment. Et là, mais là, jamais qu'il gagne une Coupe Stanley encore. Puis ben, c'est considéré non, souvent voilà. le meilleur au monde. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Non, mais mon point, c'est que apprécie ce qu'il fait. On est d'accord avec ça? Oui. Et moi, je regarde, puis on veut toujours comparer à quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais. Mais tout le monde cherche la bémol, tout le monde veut blâmer LeBron James. Premièrement, Danny, toi et moi, on en parle. Mais ça vend. Mais pourquoi hein, ça? Mais pourquoi toutes les émissions, ils passent au moins 80% du temps à parler de LeBron James. Ben, écoute, sur ESPN, tu vois, là, ESPN, là, ils passent des heures là-dessus le matin. J'écoute l'émission du matin, là, puis les analystes, ouais. Ils vont très, très dur. Mais je veux revenir sur... Danny, attends une seconde, excuse-moi, je te coupe. Ils analysent les commentaires après match. Puis des fois, là, j'écoute les commentaires après match, Danny, puis je me dis, il a même pas dit ça. Hey, ah, James, aujourd'hui, a lancé ses coéquipiers en autobus. Puis là, il dit, ben, on n'a pas connu un bon match. Ouais. Y a une différence entre on n'a pas connu un bon match, puis lancé, tu sais. Pendant un temps d'arrêt, il s'est retourné quand l'entraîneur parlait. Il veut qu'on mette dehors Luke Walton. Mais il a regardé le jeu, il s'est retourné de bord. Quand le ballon était mis en jeu, il a fait exactement le jeu que Luke Walton avait dessiné, puis ils ont fait un panier. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Mais je veux revenir sur l'histoire de LeBron. Je suis pas d'accord avec toi, là, avec... Pourquoi ça a coulé? 20 matchs blessés. Danny, pense-y, là. L'année, là, avec Piqué et Carrie, ça allait bien, là. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin de saison? Est-ce que Carrie s'est blessé? On s'en allait peut-être pour une Coupe Stanley, là. C'est Carrie qui s'est blessé quand Chris Kreider. Exactement. Carrie s'est blessé, Piqué, mais l'équipe. Mais Carrie, cette année-là, je pense que c'est une Coupe Stanley quasiment. Non, je ne suis pas un professeur de hockey, là, mais la blessure de Carrie, est-ce qu'elle a fait mal, oui ou non? Oui, ça a fait mal, mais je ne suis pas sûr. Mais Danny, lorsque LeBron s'est blessé, si les Lakers étaient en 8e, 9e, 10e place, j'aurais pu te dire que ça marche pas cette affaire-là. Mais quand il s'est blessé, Danny, ils étaient en 4e place. 4e! Non, mais tu réponds pas à ma question. La question, Pascal, c'est pourquoi ça a sorti cette information-là que les Lakers offraient la moitié de l'équipe pour LeBron James? Ah, moi, je suis convaincu que les Pelicans, frustrés, fâchés... Ah oui, même la présidente et propriétaire des Lakers, Jenny Buss, elle a dit que c'était fake news. Elle a dit, on n'a jamais dit tous ces noms-là. On n'a jamais dit qu'on était prêt à échanger l'équipe au complet pour Anthony Davis. Moi, je pense que ça a été fait en mauvaise foi. Mais ça a coûté la job aux intérêts des Pelicans, tu penses? Ah oui, mais c'est... Moi, je pense que les Pelicans, ils ont fait exprès pour négocier en mauvaise foi avec Magic Johnson. Ils ont jamais eu l'intention, parce qu'ils sont pas obligés de l'échanger. Ils sont pas obligés du tout. De la même façon que les Cavaliers étaient pas obligés d'échanger Kyrie Irving, ils auraient pu rester là, même s'ils voulaient pas jouer. Kyrie a comme forcé la main des Cavaliers à l'échanger. Puis je pense que les Pelicans en ont profité pour se venger un peu. Ils ont fait des plaintes à la NBA pour dire que c'était du maraudage, des trucs comme ça. Fait. Moi, je pense que c'est une situation très, très négative dans une saison qui était probablement potentiellement parti pour être une très belle saison, mais la descente aux enfers des Lakers a commencé le 25 décembre avec la blessure de LeBron James. À partir de là, c'était plus une autre équipe, puis la situation à Anthony Davis n'a pas aidé. Okay. Mais moi là, pour moi, c'est les 20 matchs ou 19 matchs que LeBron a manqué qui fait la différence. OK. Puis là, ben... OK, fait que c'est sûr que LeBron, savant. C'est comme Donald Trump, savant. Fait que... si on parlait maintenant de... Si on parlait du côté... Je veux te parler des Raptors 0-2, mais je veux te parler des Pacers d'Indiana. Tu sais, on disait tout le temps que c'était une lutte à 4 avec les Bucks, les Celtics, les Raptors et également les 76ers, mais... Il y avait une blessure de Victor Oladipo qui est survenue, c'était au mois de janvier, je pense, pour dire la saison est terminée des Pacers, mais ils sont encore là. C'est une équipe qui s'est regroupée, quoi? Ben écoute, Nate McMillan fait un très bon travail. Ils ont une belle profondeur. Écoute, en ce moment, moi, je suis surpris, là. Tu l'as mentionné, ils perdent leur joueur vedette, qui connaissait toute une saison, mais ils ont réussi à passer à travers, puis en ce moment, écoute, tout un travail. C'est pas une équipe que tu peux dormir. Miles Turner, qui est un joueur potentiellement étoile, le fils de Sabonis qui joue là. C'est une très, très belle équipe. C'est une équipe. Ils jouent ensemble. Mm. Un peu comme les Clippers, qui ont même échangé le meilleur scoreur, puis ils ont pas, c'est comme s'ils avaient rien fait. Ils sont encore dans les séries. T'sais, tout le monde s'est dit, cette équipe-là, ils ont tout fait pour pas faire les séries, pour avoir un bon joueur au repêchage, puis Doc Rivers, il continue à gagner des games. Ouais. Ah non, c'est mais je pense pas qu'il sait, je pense pas qu'il soit, c'est d'autres qui sortent de l'Est. Par contre, c'est quand même incroyable. Les Raptors, est-ce que tous les changements qu'il y a eu en début, les blessures et ainsi de suite, la chimie, est-ce que les Raptors l'ont bien moins bon qu'en début de saison? Est-ce que ça a eu un impact? Non, je pense que l'impact, c'est un petit peu avec les Warriors en ce moment, Danny. Ouais. Tu regardes Boston, c'est 82 matchs. C'était des hauts puis des bas dans une saison. Je pense que Toronto connaît une très bonne saison. Je pense que les équipes sont prêtes à les jouer. Et tu l'as dit, il y a quand même eu l'ajustement de Mark Gasol. Valanciunas est rendu à Memphis maintenant. Mm. C'est un ajustement non seulement au niveau d'équipe, mais au niveau mental. Okay. Mais je pense que la finale de l'Est, Danny, on a le temps d'en parler, là, mais j'assume que ça va être Milwaukee contre Toronto. Ça va donner ce que... Allez, en terminant, Rory Barrett, le père de R.G. Barrett, a été nommé sur l'équipe canadienne comme directeur général des opérations basketball. Ça confirme pratiquement qu'R.G. va faire partie de l'équipe. Mais qu'est-ce que... Tu connais un peu Rory Barrett, là? Qu'est-ce que Rory Barrett peut apporter à l'équipe canadienne? Premièrement, je vais t'expliquer quelque chose rapidement. Là. Ouais. Ron Barrett, c'était lui le boss. C'est que le directeur général ou le directeur technique qui était Steve Nash ou le président qui était Steve Nash, mais il n'y a pas de changement. C'était lui, Rowan, qui tenait les ficelles avec Steve Nash. Steve Nash qui était plus une figure qu'un administrateur. Donc, moi, peut-être que le titre, il change, là, mais les responsabilités changent pas. Pour ce qui est de son fils, ben premièrement, que ce soit son fils ou non, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Ouais. Au niveau qui est pas dans la NBA en ce moment. Il a emmené le Canada à un championnat mondial U19 quand il avait 17 ans. Ouais. Il a été nommé le joueur U18 ou U19 en Italie. Il a été nommé le joueur du tournoi. On sait, il va probablement être repêché soit un ou deuxième cette année dans le repêchage. La seule chose que je suis content, c'est que son père était un fidèle participant de nos équipes nationales. OK. Tu sais, on parle des fois de toi et moi, on a eu la chance de parler d'Andrew Wiggins qui joue pas tout le temps. Là. Mm. Mais je pense qu'avec avec le titre et le nom de Rowan, on va s'assurer d'avoir les meilleurs joueurs canadiens. Est-ce que ça va faire en sorte que Wiggins pourrait rallier l'équipe canadienne? Lui, il a jamais joué sur l'équipe canadienne. Je pense que le problème de Wiggins, c'était que, il n'a pas démontré un enthousiasme pour l'équipe nationale, pour plein de raisons. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne suis pas à 100% d'accord avec ses décisions, mais les joueurs ont droit de faire ce qu'ils veulent dans leur saison morte. Quand tu as un contrat de 150 millions, tu peux prendre l'été et te reposer au lieu de faire deux pratiques par jour pour aller jouer dans un match international. Mais je pense que Rowan a donné au-dessus de 10 ans de sa carrière de basketteur en Europe puis avec l'équipe nationale l'été. Je pense qu'il va continuer le programme. C'est très positif pour Basketball Canada. Mais RG avait déjà joué avec l'équipe senior. OK. Fait que ça ne changera pas grand-chose selon moi. OK. Donc, ça va être intéressant. Super. En fin de semaine, tu es à TVA Sport 2, j'imagine? Oui, TVA Sport 2. On fait les finales U-Sport canadiennes, les demi-finales féminines et masculines samedi. On commence à 1h. On va être en onde, moi et Paul Rivard, de 1h jusqu'à 9h le soir. Là, que je vais m'emmener beaucoup d'eau. Ouais. Puis on fait les finales dimanche. Les garçons, si je ne me trompe pas, à 5h et les filles à 7h. OK. Fait qu'on va surveiller ça de tête à tête. Pascal Jobin, gros merci. On va commencer nos chroniques à toutes les semaines, mais que les séries éliminatoires commencent. Ça me fait plaisir. À bientôt, Danny. Notre ami Pascal Jobin.